Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit dedans et dehors, scellé de sept sceaux. Je vis aussi un ange fort, qui criait à haute voix, « qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en délier les sceaux ?» Mais nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais fort, parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et un des anciens me dit, ne pleure point, voici, le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et pour en délier les sept sceaux. Et je regardai, et voici, il y avait au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme mis à mort, ayant sept cornes, et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il vint, et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les quatre animaux et les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes, et des fioles d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un nouveau cantique, en disant, « Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été mis à mort, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, et langue, et peuple, et nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Puis je regardai, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône, et autour des animaux et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. Et ils disaient à haute voix, « L'agneau qui a été mis à mort, est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » J'entendis aussi toutes les créatures qui sont au ciel, et sur la terre, et sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire, et force, au siècle des siècles. Et les quatre animaux disaient, Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent, et adorèrent celui qui est vivant au siècle des siècles.